Les choses vides ne tardent pas à se remplir, tandis qu'un vase trop plein déborde et se renverse. Les hommes qui aiment à se vanter, qui, remplis d'eux-mêmes, méprisent les hommes et les choses, ne manquent jamais d'exciter la haine des autres, et d'allumer la colère du ciel. Cependant, ce dont les hommes du siècle tirent vanité, n'est pas autre chose que les richesses, les honneurs et les talents. Ils ignorent que les richesses, les honneurs et les talents, ne méritent pas d'exciter l'orgueil de l'homme. Histoire. Shitsong luttait de luxe et de fortune avec Wang Kai. Celui-ci ayant fait faire une galerie formée de tentures en gaze violette, qui avait 40 lits de long, Shitsong en fit faire une en soie brodée, qui avait 50 lits. Ils apportaient constamment dans l'acquisition de choses rares et précieuses, cet orgueil et ce désir insensé de l'emporter l'un sur l'autre. Mais dans la suite, Shitsong commit un crime qui entraînait la peine de mort. Il s'écria en soupirant. Hélas! Ce sont mes domestiques qui vont profiter de mes richesses. On voit, par cet exemple, que la fortune ne mérite pas d'exciter notre vanité et notre orgueil. Tuao obtint fort jeune le grade de docteur. Un jour il alla visiter un temple avec un de ses condisciples qui avait obtenu ce titre au même concours que lui. Un vieux religieux ayant demandé leur nom, les personnes qui se trouvaient auprès d'eux vantèrent avec emphase leur titre de docteur. Le religieux leur dit en riant : « Je n'ai jamais entendu parler d'eux. » Ces paroles remplirent Tuao de confusion. Il composa à cette occasion les vers suivants : « Ma maison est située au midi de la ville, à côté d'un sorbier, on a vu fleurir en même temps deux branches de la fragrance. Cependant ce respectable religieux ne connaissait pas nos noms, je commence à m'apercevoir que c'est dans le couvent qu'on juge sainement les choses du monde. » On voit par là que les honneurs littéraires ne méritent pas d'exciter notre vanité. Un général nommé Tanginzi excellait également dans l'art militaire et dans les lettres. Fier de ce double mérite, il s'appliquait souvent l'expression « qu'autant est mien », qui signifie « je puis tenir tête à un homme ». Pour ce motif, on le surnomma Tanguimien. Ayant été envoyé à la tête d'un corps de troupes contre les rebelles du Shanxi, il fut tué par une flèche Itien qui lui perça la gorge. On le surnomma Tanguizi. Ainsi les talents ne méritent pas non plus d'exciter notre vanité. Les exemples qui précèdent ôtent tout motif d'excuse à ceux qui aiment à se vanter. S'abandonner sans cesse à la jalousie et à l'envie. Commentaire. L'expression « tuki », être jaloux et envieux, veut dire ici se fâcher de ce que les autres hommes nous surpassent, les haïr parce qu'ils obtiennent des avantages ou des succès qui faisaient l'objet de notre ambition. On montre qu'on n'a aucune grandeur d'âme, et on se range parmi ceux qui nourrissent dans leur cœur les plus basses passions. Celui qui conserve de tels sentiments et qui obéit à leur impulsion, fermera la route aux sages, et nuira aux intérêts de l'État, s'il est employé à la cour. S'il mène une vie privée, il tiendra les hommes vertueux dans l'obscurité, et il murmurera contre les autres. Il ne peut manquer d'allumer la colère des dieux. Quiconque sent germer de tels sentiments au fond de son cœur, doit les réprimer sur le champ. Histoire. Un magistrat nommé Xie Yuan, qui vivait sous la dynastie des Song, avait 10 enfants qui étaient tous affligés d'une infirmité particulière. Le premier était bossu, le second boiteux d'un pied, le troisième boiteux des deux pieds, le quatrième fou, le cinquième idiot, le sixième sourd, le septième aveugle, le huitième muet, etc. Kong Ming, surnommé Tse Kao, les ayant vus, demanda à leur père ce qu'il avait fait pour s'attirer ce malheur. Pendant toute ma vie, lui répondit Yuan, je n'ai jamais eu qu'un seul défaut, je me plais dans la jalousie, je porte envie à ceux qui me surpassent, et j'aime tous ceux qui me flattent. Quand j'entends parler des qualités des hommes, je les révoque en doute. Quand j'entends parler de leurs défauts, je les regarde comme avérés. Si un homme éprouve quelques pertes, je m'en réjouis comme si j'avais obtenu un grand succès. Si un homme obtient quelques succès, je m'en afflige comme si j'avais éprouvé un malheur. Tzu Kao lui dit, « Si vous continuez à vous abandonner à de tels sentiments, votre châtiment ne se bornera pas là. Vous attirerez infailliblement la ruine et la destruction de toute votre famille. » À ces mots, Yuan fut rempli d'effroi. Tzu Kao ajouta, « Quoique le ciel soit très élevé au-dessus de nous, il voit tout ce qui se passe ici-bas. Si vous corrigez vos fautes passées, et si vous cultivez désormais la vertu, vous pouvez encore détourner le malheur qui vous menace, et le changer en un bonheur durable. » Dès ce moment, Yuan se corrigea de ses fautes, et réforma entièrement la conduite qu'il avait tenue pendant toute sa vie. Les infirmités de ses enfants disparurent au bout de quelques années. Si Yuan eût persévéré dans ses fautes, toute sa famille n'aurait pu échapper à la ruine qui la menaçait. Quant aux femmes qui s'abandonnent à la jalousie, elles reçoivent aussi leur châtiment. Liu Shi, femme de Tout et Seachang, était extrêmement jalouse. Une servante nommée Kinking, ayant lavé les cheveux de Tout et Seachang, Liu Shi lui coupa deux doigts. Mais bientôt après, Liu Shi fut mordu par un renard, et perdit aussi deux doigts. Il y avait une autre servante nommée Yulian, que Tout et Seachang aimait à cause de sa voix harmonieuse. Liu Shi lui coupa le bout de la langue. Mais quelque temps après, Liu Shi eut un ulcère à la langue. Elle fit appeler un religieux appelé Cheu, et demanda le pardon de ses fautes. Madame, lui dit-il, vous avez perdu deux doigts, et il vous est venu un ulcère à la langue, parce que vous avez coupé les doigts et la langue à vos servantes. Mais si vous en éprouvez un sincère repentir, vous pourrez encore échapper au malheur. Liu Shi se prosterna aux pieds du religieux, et pria avec larmes pendant 7 jours. Au bout de ce temps, le religieux lui fit ouvrir la bouche, et il en sortit 2 serpents qui avaient 1 pied de long. Cheu prononça quelques prières, et les fit tomber à terre. Au même instant, la langue de Liu Shi fut guérie. Dès ce moment, elle n'osa plus s'abandonner à la jalousie. Voilà comment le ciel punit les femmes qui s'abandonnent constamment à la jalousie. Mais il châtie plus sévèrement encore les femmes légitimes qui se laissent aller à la jalousie lorsque leur mari prend une seconde femme et qui font tous leurs efforts pour empêcher qu'il n'ait des enfants. Ne pas se conduire sagement vers sa femme et ses fils. Commentaire. L'expression wuing veut dire ne pas tenir une conduite sage, vertueuse. La femme légitime est notre égale. Elle nous aide, dans l'intérieur, à élever une maison riche et florissante. Le mot Tzu, 5, désigne ici nos descendants. Ils sont destinés à nous succéder et à commencer notre postérité. Quelque intime que soient les rapports de l'homme avec sa femme, il doit la traiter avec douceur et avec une sorte de respect. Quelque vif que soit l'amour du père pour ses fils, il doit tempérer son affection par une juste sévérité. Ceux qui ne se conduisent pas sagement vers leur femme légitime, tantôt la traitent avec mépris ou avec froideur, tantôt l'aiment éperdument, et se livrent sans mesure à la volupté. Ceux qui ne se conduisent pas sagement vers leurs fils, tantôt leur montrent une indulgence excessive, tantôt les corrigeant avec une dureté cruelle. Comment peuvent-ils trouver le bonheur dans la société de leur femme et de leur fils? Histoire. Cet Tang ayant obtenu le titre de docteur, se repentait de n'avoir pas épousé une fille issue d'une maison illustre et opulente. Dès ce moment, il traita sa femme avec un profond dédain. Celle-ci en conçut un tel chagrin qu'elle tomba malade. Tang ne daignait pas même la regarder. Sa femme sentait s'accroître son indignation. Comme elle touchait à sa dernière heure, elle l'appela en disant « Je vais mourir. Aurez-vous le cœur assez dur pour ne pas m'accorder un regard ?» Tang ne la regarda pas davantage. Quand elle fut morte, Tang conçut de l'inquiétude au fond de son cœur, et pour empêcher qu'elle ne vînt lui faire du mal, il couvrit son visage d'un vase de terre, lui attacha les mains, et ne l'ensevelit qu'après avoir garrotté son corps inanimé. La nuit suivante, elle apparut en songe à son père, et lui dit « Vous m'avez marié à un méchant homme. Pendant ma vie, il ne m'a inspiré que de la colère et de la haine, et après ma mort il m'a garrotté dans mon cercueil. Pour avoir ainsi maltraité votre fille, le ciel va bientôt effacer sa vie. » Cet Tang mourut l'année suivante. Tel fut son châtiment pour ne pas s'être conduit sagement vers sa femme. Un homme appelé Wang Yao, du district de Chokyu, aimait follement ses deux fils. Sa coupable indulgence laissa croître tellement leur méchanceté que, ne pouvant plus la réprimer, il fut obligé de les accuser en justice. Ils furent tous deux condamnés à mort. Quelque temps après, Wang Yao mourut à son tour. L'année suivante, dans la 15e nuit du second mois, un Taoïste nommé Liu Tsin, qui était attaché au temple de la ville, entendit une voix retentissante. Il se lève et aperçoit Wang Yao qui tenait une pétition, par laquelle il demandait qu'on lui offrit des sacrifices à l'époque du Qingming, le 5 avril. Le dieu entra en colère, et lui dit « Vous n'avez pas su instruire vos deux fils, et vous avez été cause qu'ils sont morts avant le temps marqué par le destin. Vous avez détruit vous-même vos descendants, qui sont ceux qui pourraient maintenant vous offrir des sacrifices ?» À ces mots, il ordonna à un démon de l'expulser du temple. Yao se retira en pleurant. Voilà comment le ciel punit ceux qui ne se conduisent pas sagement vers leur fils. Ce châtiment devrait servir de leçon aux hommes du siècle. Manquer à ses devoirs envers le père et la mère de son mari. Commentaire. Les mots kyoku ont le même sens que l'expression vulgaire wenjepo, qui désigne le père et la mère du mari. Une bru doit servir le père et la mère de son mari, comme une fille sert son père et sa mère. Elle doit leur montrer de la piété filiale et une obéissance entière. Si elle manque à ses devoirs envers eux, elle manque en même temps à la piété filiale. Ce crime parvient aussitôt à la connaissance du ciel. Histoire. Dans le district de Yankuanyin, Changxi, femme de Kutekian, vit en songe un dieu qui lui dit « En punition des péchés que vous avez commis dans votre vie passée, vous périrez demain sous la hache du dieu du tonnerre. » À peine Changxi fut-elle éveillée, qu'elle entendit gronder le tonnerre. Elle vit clairement qu'elle touchait à sa dernière heure. « Il est bien certain que je ne puis échapper à la mort, » se dit-elle en elle-même, « hélas. Quel va être l'effroi de ma belle-mère ?» Aussitôt elle changea de vêtements, sortit de la maison, et alla se placer sous un mûrier qui en était fort éloigné. Mais soudain elle entendit une voix qui lui dit du milieu des airs. Le maître du ciel a entendu les paroles secrètes que vous a dictées la piété filiale, et il vous fait grâce de la mort. Shang-Chi échappa alors au châtiment qu'elle allait subir. Ainsi, cette seule pensée de piété filiale envers sa belle-mère a pu détourner le malheur de sa tête et le changer en bonheur. Cet exemple doit servir de leçon aux brus qui manquent à leur devoir envers le père et la mère de leur mari. Il y avait dans l'arrondissement de Changcheou trois belles sœurs qui étaient entièrement dépourvues de piété filiale. Tous les jours elles excitaient la discorde entre leurs maris et désobéissaient à leur beau-père et à leur belle-mère. Un jour, elles entendirent un coup de tonnerre et au même instant elles furent changées toutes trois en vaches, en brebis et en chiennes. Leur tête seule avait conservé sa première forme. Dès qu'elle voyait quelqu'un, elle baissait la tête et fondait en larmes. TCH'Henning, gouverneur du district, fit exécuter une gravure qui représentait leur métamorphose et la répandit dans l'Empire pour servir de leçon au peuple. Voilà comment le ciel les punit pour avoir manqué à leur devoir envers leur beau-père et leur belle-mère. En général, quand une brue manque ainsi à ses devoirs, envers son beau-père et sa belle-mère, cela vient de ce que dans son enfance elle a manqué à ses devoirs envers son père et sa mère. On n'a jamais vu une seule de ces filles dénaturées, qui manquent de piété filiale envers leur père et mère, remplir fidèlement ses devoirs envers son beau-père et sa belle-mère. Mais elles sont bientôt punies par les esprits du ciel. On voit par là combien sont coupables les filles qui commencent par manquer de piété filiale envers leur père et leur mère. Montrer du mépris pour les âmes de ses ancêtres. Commentaire. L'expression Xialing désigne les âmes de nos ancêtres. L'expression Qingman qui signifie littéralement faire peu de cas de quelqu'un s'applique ici à ceux qui diffèrent les funérailles, qui ensevelissent les morts sans observer les rites, qui ne portent pas le deuil pendant le temps prescrit, qui négligent de visiter et de nettoyer les tombes, qui offrent des sacrifices à leurs ancêtres sans être pénétrés d'un véritable respect. Les uns prétendent que les présages tirés du vent et de l'eau ne sont pas heureux, d'autres que l'époque de l'année, du mois, n'est pas favorable, d'autres, enfin, que l'endroit choisi pour la sépulture est trop ombragé ou ne l'est pas assez. À l'aide de ces prétextes, ils diffèrent les funérailles et laissent dans l'inquiétude les âmes de leurs ancêtres. Après qu'ils ont confié à la terre leur dépouille mortelle, ils la transportent sans cesse d'un endroit à l'autre. Quand l'époque appelée Xingming, le 5 avril, est arrivée, ils vont une fois visiter et nettoyer les tombes de leurs parents, mais pendant 6 mois, pendant le reste de l'année, ils ne s'en occupent pas plus que si elles étaient placées dans un désert inaccessible. D'ailleurs, quand ils vont visiter les tombes, c'est en général pour s'amuser et se promener avec leurs frères et leurs amis, et ils ne reviennent qu'après s'être livrés aux excès du vin. Est-ce cela servir ses parents morts, comme on les sert lorsqu'ils sont vivants? N'est-ce pas plutôt montrer du mépris pour eux? Histoire et Kong Yuan, ayant fait les funérailles de sa mère, parvint, après plusieurs promotions, à la charge de Pichuqing, gardien des archives de l'État. Il revint alors dans son pays pour offrir un sacrifice à sa mère et brûler des images de papier doré. Sa mère lui apparut en songe et lui adressa de sévères reproches. « Depuis que vous m'avez abandonné, lui dit-elle, les animaux sauvages ont creusé ma sépulture. Les épines et les ronces ont fermé le chemin qui y conduisait. Vous avez chargé 2 femmes de m'offrir, aux diverses saisons de l'année, les sacrifices que j'attendais de vous. Est-ce ainsi que doit se conduire un fils? Le dieu de l'enfer voulait d'abord vous punir, mais comme vous remplissez fidèlement les devoirs de votre charge, il vous fait grâce pour le moment. À l'avenir, tâchez de visiter exactement ma tombe aux époques prescrites et d'offrir chaque année des sacrifices, pour procurer le repos aux esprits des montagnes et à l'âme de votre mère. On voit, par cet exemple, combien sont coupables ceux qui montrent du mépris pour les âmes de leurs ancêtres. Résister aux ordres de ses supérieurs. Commentaire. Par les mots Shangming, on entend les ordres que le prince donne à ses sujets, le père à ses enfants, le général à ses soldats, le magistrat à ses administrés, le maître à ses domestiques, etc. L'expression veini veut dire résister, ne pas obéir. Toutes les fois qu'un supérieur nous donne un ordre, il faut sans doute y obéir lorsqu'il est conforme à la raison. Mais s'il est contraire à la raison, on doit lui en demander le motif, et lui adresser des représentations d'un ton doux et poli. Il n'est pas permis de lui résister. Si vous désobéissez à votre supérieur de propos délibérés, nous n'avons pas besoin de dire que vous commettez un crime contre la droiture et la piété filiale. Histoire lorsque l'un qui avait la charge de Kissé, la sécheresse occasionna une grande famine dans le pays de Shōkyū. L'empereur ordonna d'ouvrir les greniers de réserve et de distribuer aux pauvres 100 000 boisseaux de riz. Mais l'un qui trouva que cette quantité était trop forte, et il représenta à l'empereur que les greniers de réserve du pays de Shō ne pourraient y suffire. Il cacheta l'ordre qu'il avait reçu, et le fit remettre à l'empereur en lui demandant de nouvelles instructions. L'empereur lui ordonna aussitôt de distribuer seulement 50 000 boisseaux de riz. La nuit suivante, il vit un homme vêtu de rouge, qui tenait dans sa main le sceau du maître du ciel. « Vous avez désobéi, lui dit-il, aux ordres de l'empereur, et vous avez nui aux intérêts du peuple. » Le Shangti, le maître du ciel, a donné l'ordre exprès de détruire votre famille. L'un qui s'éveilla de frayeur, et depuis ce moment il fut tourmenté de la plus vive inquiétude. Il fut éloigné de ses fonctions pour cause de maladie. Étant arrivé dans l'arrondissement de Fōchū, il y mourut subitement. Dans l'espace d'un an, ses deux fils furent remportés l'un après l'autre par la peste, et sa famille se trouva éteinte. C'est ainsi que le ciel punit ceux dont la désobéissance entraîne les plus graves conséquences. Les autres personnes qui désobéissent au souverain ou à leur supérieur commettent absolument le même crime. Faire des choses qui n'ont aucune utilité. Commentaire. On lit dans le Shūking, ne faites point de choses inutiles, de peur de nuire aux choses utiles. Tao Kan disait, l'empereur Yu, qui était un saint homme, épargnait jusqu'à un pouce de temps. Nous autres hommes du commun, nous devons épargner jusqu'à une ligne de temps. Si nous passons notre temps à jouer aux échecs, à boire du vin, à nous promener, à satisfaire les désirs des sens, à chasser avec un faucon ou avec des chiens, à construire des jardins d'agrément, des pavillons, des belvédères, à faire des chansons obscènes et des compositions licencieuses, à fabriquer avec art des objets de curiosité, toutes ces choses-là n'ont aucune utilité, et par cela même qu'elles sont inutiles, elles sont nécessairement nuisibles ou dangereuses. Histoire. Xuan Song, de la dynastie des Ming, invita un jour Wang Fu à voir une comédie. Il répondit : je n'aime pas les comédies. Un autre jour, l'empereur lui ayant ordonné de jouer aux échecs, il répondit qu'il ne savait pas jouer aux échecs. Comment ne le savez-vous pas ? Lui demanda l'empereur. Dans mon enfance, répondit Wang Fu, mon père me défendait sévèrement toute espèce de jeu. Il m'enseignait seulement à comprendre les livres, et il ne souffrait pas que j'apprisse des choses inutiles. Les hommes d'aujourd'hui, qui aiment à faire des choses inutiles, n'ont pas d'autre but que de goûter un plaisir d'un moment. Et cependant, en faisant des choses inutiles, ils usent les facultés de leur esprit, ils consument leur fortune, ils contractent des maladies, ils abandonnent la vertu, et ils commettent les crimes les plus graves. Que les hommes y réfléchissent un instant, et ils ne se donneront plus autant de peine pour faire des choses inutiles. Ajoutez à cela que toutes les choses de ce monde s'évanouissent en un clin d'œil. Mais celui qui fait tout ce qui est utile aux hommes, et qui les délivre de tout ce qui peut leur nuire, obtiendra de siècle en siècle, et dans chacune de ses existences futures, un bonheur qui ne finira jamais. Si vous avez des talents, expliquez les livres religieux, composez des recueils de recettes médicales. Si vous avez de la fortune, de la puissance, réparez les puits et les routes, construisez des digues et des ponts, fondez pour les pauvres des greniers de bienfaisance, des sépultures et des écoles gratuites. Tout cela est utile aux hommes, et ce que vous faites d'utile aux hommes ne manque jamais de vous être utile. Cachez un cœur double. Commentaire. Le mot aï, un, signifie cacher au-dedans de soi. L'expression veille saint veut dire un cœur double. Avec un cœur double, le sujet trompe son prince, le fils se sépare de ses parents, les frères se fâchent et se disputent, la femme légitime et la seconde femme désobéissent à leur mari, les domestiques se révoltent contre leur maître. Les actions que nous venons de citer découlent nécessairement de la duplicité de cœur. C'est pourquoi Taizong, Lao-tzu, signale avec sévérité les fautes qu'on commet en cachant un cœur double. Un lettré, nommé Chuching, disait un jour, « Les hommes du siècle disent constamment, ne trompez pas les dieux. Moi je dis que celui qui ne trompe point son propre cœur, ne trompera jamais les esprits. Qui prétend-il donc tromper, ces hommes qui cachent un cœur double? S'imaginent-ils qu'ils pourront tromper le ciel? Il est difficile qu'ils échappent au châtiment qu'ils ont mérité. Faire des imprécations contre soi-même et contre les autres. Commentaire. Nous avons vu plus haut, un degré, p. 336, Pien Sing Che Wen. Ces mots signifient être irrité contre quelqu'un, et souhaiter qu'il lui arrive quelque malheur. 2 degrés, p.